Chapitre 29. Les autres enfants rentrent chez eux. Il faut que nous descendions voir nos petits amis avant d'entreprendre quoi que ce soit, dit Monsieur Wonka. Il appuya sur un autre bouton et l'ascenseur se mit à descendre pour planer bientôt juste au-dessus des grandes portes d'entrée de la chocolaterie. À présent, Charlie pouvait voir les enfants et leurs parents, formant un petit groupe à l'intérieur de la cour, tout près de l'entrée. « Je n'en vois que trois, » dit-il. « Qui est-ce qui manque ?»« Ce doit être Mike TV, » dit Monsieur Wonka. « Mais il ne tardera pas à les rejoindre. Vois-tu les camions ?» Monsieur Wonka désigna une longue rangée de fourgons ouverts qui stationnaient le long du mur. « Oui, » dit Charlie. « Qu'est-ce que c'est que ces camions ? As-tu oublié ce qui est écrit sur les tickets d'or ? Chaque enfant ramène à la maison des provisions de sucrerie pour la vie. Un camion par enfant, plein à craquer. Tiens, voici notre ami Augustus Gloop. Le vois-tu ? Il monte dans le premier camion avec ses parents. « Êtes-vous sûr qu'il va tout à fait bien ? » s'étonna Charlie. « Après son voyage dans cet horrible tuyau ?»« Il va très bien, » dit Monsieur Wonka. « Il a changé, » dit grand-papa Joe en l'examinant attentivement à travers la vitre de l'ascenseur. « Il était gras avant. Il est devenu sec comme une paille. »« Bien sûr qu'il a changé, » dit en riant Monsieur Wonka. « Il a été comprimé par les tuyaux. Vous vous souvenez ? Tiens, voici Miss Violette Beauregard, la grande mâcheuse de chewing-gum. On dirait qu'ils l'ont bien débarrassée de tout ce jus. J'en suis ravi. Et comme elle a bonne mine, bien meilleure qu'avant. « Mais son visage est tout violet !» s'écria grand-papa Joe. « Exact !» dit Monsieur Wonka. « Là, évidemment, il n'y a rien à faire. »« Mon Dieu !» s'écria Charlie. « Regardez cette pauvre Veruca Salt et ses parents. Ils sont absolument couverts de détritus. »« Et voilà Mike TV !» dit grand-papa Joe. « Bonté divine, ils l'ont drôlement allongé. Il mesure au moins 2 mètres et il est mince comme un fil. » « Ils l'ont laissé trop longtemps dans la machine à tester le chewing-gum, » constata Monsieur Wonka. « Quelle négligence !»« Quel drame pour lui !» s'écria Charlie. « mais non !» dit Monsieur Wonka. « Il a de la chance. Toutes les équipes de basketball du pays se l'arracheront. Mais ça suffit maintenant, » ajouta-t-il. « Il est temps de quitter ces 4 petits idiots. J'ai quelque chose de très important à te dire, mon petit Charlie. » Monsieur Wonka appuya sur un nouveau bouton et l'ascenseur se remit à monter pour s'envoler dans le ciel.